Chapitre 46e. Notre renard favori trouve une queue. Frank retourna à Greshamsbury et son premier soin fut de parler affaire avec son père et avec M. Gatsby, qui était encore au manoir. « Mais qui est l'héritier ?» demanda M. Gatsby, quand Frank lui dit que la mort de Sir Louis rendait pour le moment toute démarche inutile. « Ma foi, je n'en sais rien, » dit Frank. « Vous avez vu le docteur Thorne ?» dit le squire. « Il doit le savoir. » « Je n'ai pas pensé à lui demander, » répondit naïvement Frank. M. Gatsby prit un air grave. « J'en suis étonné, car tout dépend maintenant de la personne entre les mains de laquelle passe l'hypothèque. Voyons donc, je crois que Sir Roger avait une sœur mariée, n'est-ce pas, M. Gresham ?» Le squire et son fils se rappelèrent pour la première fois que Mary était l'enfant de cette sœur, mais il ne leur vint pas à l'esprit qu'elle pût hériter d'une partie de la fortune du baronnet. Avant l'expiration de la quinzaine qu'il avait fixée, le docteur vint passer 2 jours à Greshamsbury pour visiter ses malades, mais il garda un silence mystérieux et se contenta de répondre au squire que rien ne pouvait être décidé avant quelques jours. Immédiatement après son retour, Frank alla voir Mary et la mit au courant de tout ce qui s'était passé. « Je ne puis comprendre mon oncle, » dit-elle presque en tremblant. « En général, il déteste les mystères et maintenant il est le premier à en faire. Il m'a dit... C'était après que je vous avais écrit cette malheureuse lettre, Frank. Malheureuse, en effet. Je me demande ce que vous pensiez de moi quand vous l'avez écrite. Si vous aviez entendu tout ce que votre mère m'avait dit, vous n'en auriez pas été surpris. Mais après cela, mon oncle m'a dit... Vous a dit quoi? Il semblait penser... Je ne me rappelle pas positivement ce qu'il a dit, mais il a exprimé l'espoir que les choses s'arrangeraient pour le mieux, et alors j'ai regretté de vous avoir écrit cette lettre. Je le comprends bien. Dire que vous ne vouliez plus m'appeler Frank. Je n'ai pas précisément dit cela. J'ai promis à votre oncle d'attendre encore 15 jours, Mary, et je tiendrai parole. Mais passé cette époque, j'agirai à mon gré. » On peut supposer que Lady Arabella ne fut pas très satisfaite d'apprendre que Frank et Mary avaient eu une nouvelle entrevue. Dans son indignation, elle se laissa aller à blâmer vivement la conduite de Mary en présence d'Augusta, qui était revenue du château de Courcy. Mais elle s'abstint d'en parler à Frank. Il n'en fut pas non plus beaucoup question entre Béatrice et son frère. Si tout se décidait au bout d'une quinzaine de jours, ainsi que semblait le promettre le docteur, il serait encore temps pour Mary d'assister au mariage de son amie. « Tout sera décidé alors, » se disait Frank, « et ma mère n'osera pas exclure ma fiancée de la maison. » On était alors au commencement du mois d'août, et le mariage ne devait avoir lieu que dans les premiers jours de septembre. Mais Frank fut beaucoup moins réservé avec son père. Il lui montra la lettre de Mary et le squire en fut vivement touché. Nous savons tous ce que peut la persévérance. Ce fut moins par la force de ses arguments que par l'assiduité qu'il mit à les répéter que Frank réussit à obtenir de son père une espèce de consentement tacite à son mariage. Il avait, ainsi que nous l'avons déjà dit, plus de fermeté que le squire. Et avant que la quinzaine fût écoulée, il obtint de lui la promesse qu'il l'accompagnerait chez le docteur. « Je crois que vous ferez bien de prendre la ferme de Hazlehurst, » dit M. Gresham en soupirant. « Elle touche au parc et au champ de la maison que je vous céderai aussi, car Dieu sait si je me soucie maintenant de m'occuper de fermage ou de toute autre chose. « Je vous en prie, mon père, ne parlez pas ainsi. « Bien, bien, mais Frank, où vivrez-vous ? « Il y a cette place au manoir pour nous tous, mais comment Mary s'arrangera-t-elle avec votre mère ?» Fidèle à sa promesse, le docteur revint à Greshamsbury au bout de 15 jours. La soirée était déjà avancée lorsqu'il arriva chez lui, où Mary l'attendait avec une impatience fiévreuse. Dès que la voiture s'arrêta à la porte, elle devina, à l'accent de la voix de son oncle, qu'il était heureux et satisfait. Il adressa en passant un mot amical à Janet et appela Thomas vieux lourdeau, d'une manière qui fit rire Brigitte aux éclats. « Il aura le nez cassé un de ces jours, n'est-ce pas ?» dit le docteur. Brigitte rougit et rit de plus belle, tout en faisant signe à Thomas de se tenir sur ses gardes. Mary se trouva dans les bras de son oncle avant qu'il eût franchi le seuil de la porte. « Ma chérie, » dit-il en l'embrassant tendrement, « ma chérie, pour quelque temps encore. Naturellement, ne serai-je pas toujours votre chérie ? Nous verrons, nous verrons. Faites-moi du thé, car je meurs de soif. » Mary se mit à l'œuvre avec sa diligence accoutumée, et l'oncle et la nièce se trouvèrent bientôt confortablement installés dans le salon devant la théière. Mary ne tarda pas à remarquer que le docteur était encore plus affectueux que d'habitude avec elle. Sa joie débordait malgré lui, mais il ne parla ni de Frank ni des affaires qu'il avait retenues à Londres. « Avez-vous terminé toutes vos affaires ?» lui demanda-t-elle enfin. « Oui, je le suppose. »« Complètement ?»« Oui, je le crois. Mais je suis très fatiguée, et vous aussi, ma chérie, car vous avez veillé bien tard pour m'attendre. » « Non, je ne me suis pas du tout fatiguée, » dit-elle en continuant à remplir la tasse du docteur à mesure qu'il la vidait. « Je suis si heureuse de vous revoir ici. Vous avez été si souvent absente depuis quelques mois. »« Oui, mais je suppose que je ne m'absenterai plus. Ce sera maintenant le tour d'une autre personne. » « Mon oncle, je crois que vous finirez par composer des romans mystérieux comme Mrs. Radcliffe. »« Oui, et demain je commencerai par... »« Mais je ne dirai pas un mot de plus ce soir. Embrassez-moi, ma chérie, et je me retire. » Mary embrassa son oncle, et il sortit, mais quelques instants après, comme la jeune fille était encore occupée à serrer différents objets, tout en se demandant ce que le lendemain amènerait de nouveau, le docteur rentra dans le salon. Il était en pantoufles et en robe de chambre. « Comment ?» « Vous êtes encore ici ?» dit-il. « Oui, mais je me retire. »« Nous avons toujours affecté tous deux beaucoup d'indifférence pour l'argent, Mary. »« Je n'admets nullement que ce soit de l'affectation, mon oncle. »« Peut-être que non, mais nous avons toujours donné à entendre que telle était bien notre manière de penser. »« Vous trouvez sans doute, mon oncle, que nous sommes comme le renard qui a perdu sa queue, ou plutôt comme quelqu'un fortuné renard qui serait né sans cet ornement. » « Je voudrais bien savoir comment nous nous conduirions si nous devenions tout à coup riches, Mary. Ce serait une terrible tentation. Je crains bien que, quand les gens pauvres parlent dédaigneusement de l'argent, ils ne ressemblent à votre renard né sans queue. Si la nature pouvait soudain rendre une queue à cet animal, n'en serait-il pas plus fier que tous les autres renards ? Cela se peut. C'est là la véritable morale de l'histoire. Mais quelle fantaisie vous prend-il de faire de la morale à minuit, mon oncle ? Le docteur emporta les objets qu'il était venu chercher, puis, embrassant encore une fois sa nièce, il se retira sans ajouter un mot de plus. Le lendemain, de bonne heure, et longtemps avant que Mary fût prête à lui servir le thé, le docteur était activement occupé dans son cabinet à classer différentes liasses de papier et des rouleaux de parchemin qu'il avait apportés de Londres. Il se préparait à recevoir dans la matinée la visite du squire et de son fils. Il parla peu au déjeuner, mais le peu qu'il dit suffit pour pénétrer Mary de joie. Elle n'aurait pu analyser ses sentiments ni dire pourquoi l'espérance la soutenait, mais elle était convaincue qu'il allait se passer quelque chose d'heureux. « Janet, » dit le docteur en regardant sa montre, « si M. Gresham et son fils viennent, faites-les entrer dans mon cabinet. Et vous, ma chérie, qu'allez-vous faire ?»« Je n'en sais rien, mon oncle. Vos mystères m'intriguent tellement. Pourquoi M. Gresham vient-il »« Parce que j'ai à parler à faire avec lui. » Vous savez qu'il devait de l'argent à Sir Louis. Mais ne sortez pas, Mary. Je désire vous savoir près de moi, dans le cas où j'aurai besoin de vous. Ne pouvez-vous pas rester au salon ? Oui, ou ici, mon oncle. Non, ma chérie, allez au salon. Il est 11 heures. À 11 heures, le bruit des pas de Squire et de Frank se fit entendre sur le sable de la petite allée, et quelques instants après, Janet les introduisit dans le cabinet du docteur, qui les attendait avec une impatience qu'il avait de peine à contenir. Le squire ne paraissait pas bien portant. Il était pâle et abattu. La mort de son créancier avait pu alléger momentanément ses inquiétudes, mais la nécessité de céder aux désirs de son fils avait plus que contrebalancé ce récit inopiné. Quant à Frank, il paraissait parfaitement bien disposé de corps et d'esprit. Il avait aussi le pressentiment que la journée allait mettre un terme à toutes ses incertitudes, et il ne pouvait s'empêcher de se réjouir à la pensée de pouvoir dire au docteur que son père avait enfin donné son consentement à son mariage. Le docteur leur serra la main à tous deux, puis ils s'assirent. Ils paraissaient assez gênés, et un instant on eût pu croire que la conversation allait se borner exclusivement à de simples banalités. Le squire aborda enfin la question en disant que son fils lui avait parlé au sujet de Miss Thorne. « De Mary ?» dit le docteur. « Oui, de Mary. » dit le squire en se reprenant. Il était inutile de se servir d'une expression aussi froide à présent qu'il avait consenti à ce mariage. « Eh bien, » dit le docteur, « je suppose qu'il doit en être ainsi, docteur. Frank y paraît plus que jamais décidé, et Dieu sait que je n'ai rien à dire contre elle personnellement. C'est une bonne et charmante fille, parfaitement bien élevée, et pour moi je l'ai toujours aimée. » Frank se rapprocha de son père, et lui pressa affectueusement la main comme pour le remercier de son amitié pour Mary. « Merci, Squire, merci, » dit le docteur. « C'est bien aimable à vous de dire cela. C'est en effet une charmante fille, et si Frank se décide à l'épouser, il fera selon moi un bon choix. Se décide ? S'écria Frank avec tout l'enthousiasme d'un amant. Le squire se sentit peut-être un peu froissé de la manière dont le docteur répondait à sa gracieuse insinuation, mais il n'en témoigna rien. « Vous savez, reprit-il, qu'ils ne peuvent s'attendre à être riches. »« Bien, bien, interrompit le docteur. Je l'ai dit à Frank, et vous ferez bien de le dire aussi à Mary. Frank a l'intention de s'occuper d'agriculture. Je tâcherai de lui donner 300 ou 400 livres par an, mais vous savez bien... »« Un instant, squire, nous parlerons de cela tout à l'heure. La mort de ce pauvre Sir Louis change les affaires. » « Pas pour toujours, » dit tristement le squire. « Et maintenant, Frank, qu'en dites-vous ? » demanda le docteur, sans paraître faire attention aux dernières paroles du squire. « Ce que j'en dis, je répète ce que je vous ai dit l'autre jour à Londres. Mary m'aime, j'en suis convaincu. J'allais dire que je l'ai toujours aimée, et je pourrais presque l'affirmer. Mon père sait très bien que ce n'est pas un caprice de ma part, quant à notre pauvreté. » Mais le docteur paraissait décidé à ne rien écouter à ce sujet. « Monsieur Gresham, » dit-il en interrompant Frank, « je sais combien la naissance de Mary la rend peu propre à épouser votre fils. »« C'est trop tard pour y penser, » dit le squire. « Mais ce n'est pas trop tard pour me justifier, » répliqua le docteur. « Nous nous sommes longtemps connus, monsieur Gresham, et vous disiez l'autre jour que nous avions toujours été d'accord sur ce sujet. La naissance est sans contredit un grand avantage. » « Telle est certainement mon opinion, dit le squire, mais on ne peut pas tout avoir. »« Non, sans doute. »« Du moment que je suis satisfait, » reprit Frank. « Un instant, cher ami, » dit le docteur. « Mon cher squire, » continua-t-il en tendant la main à M. Gresham, « ne vous fâchez pas si je vous dis un mot au sujet de la propriété de Greshamsbury. J'ai vu avec peine se fondre, pour ainsi dire, et passer en d'autres mains un domaine qui a été si longtemps l'héritage des Gresham. » « Il n'est pas nécessaire de parler de cela, » dit Frank d'un ton presque irrité. « Il le faut, Frank, afin de me justifier. Je ne me serais jamais pardonné d'avoir laissé penser à Mary qu'elle pouvait vous épouser, si je n'avais espéré qu'il pourrait en résulter quelque avantage. » Frank ne comprenait pas à quoi le docteur voulait en venir. « Je l'espère, » dit celui-ci. « J'ai eu bien des doutes et une cruelle perplexité à cet égard, mais maintenant, j'espère qu'il en sera ainsi, Frank, monsieur Gresham. » Le docteur se leva, mais pendant un instant, il lui fut impossible de continuer. « Espérons que tout ira pour le mieux, » dit le squire. « Pour moi, j'en suis sûr, » dit Frank. « Oui, je le crois aussi, Frank. Mary ne viendra pas à vous les mains vides. Je voudrais pour vous et pour elle aussi que sa naissance fût égale à sa fortune, comme son mérite est supérieur à l'une et à l'autre. Ce mariage, monsieur Gresham, mettra au moins un terme à vos embarras pécuniaires, à moins toutefois que Frank ne soit un dur créancier. Ma nièce est l'héritière de Sir Roger Scatcherd. » Et le docteur se mit à fouiller dans les papiers qui étaient sur la table et que, grâce à sa propre émotion, il réussit à mêler de manière à renverser les premiers mis en ordre. « Et maintenant, continua-t-il, je ferai tout aussi bien de vous dire en quoi consiste cette fortune. Voici le... Mais non, je me trompe. Mais, docteur Thorne, dit le squire, immobile de stupeur et pouvant à peine respirer. « Que voulez-vous dire ?»« Il n'y a pas l'ombre de doute. J'ai consulté Sir Abraham Haphazard et Sir Rickety Giggs, le vieux Dye, M. Snylam, et ils sont tous de la même opinion. Il n'y a pas le plus petit doute. Je crains que Mary n'ait une grosse somme à payer pour les droits de succession, car vous savez qu'elle ne peut hériter comme nièce. M. Snylam me l'a démontré. Mais après tout, il y aura... « Voyons, j'ai cela sur un morceau de papier. Où l'ai-je donc mis ?»« Ah, squire, je suis si étourdi du bavardage de ces hommes de loi que je ne sais plus si je veille ou si je dors. En tout cas, je sais qu'il y aura assez d'argent comptant pour payer les droits du fisc et toutes les dettes. »« Vous ne voulez pas dire que Mary hérite de tous les biens de Sir Roger Scatcherd ?» s'écria enfin le squire. « Mais c'est précisément ce que je veux dire, » répondit le docteur en souriant. « Et ce qu'il y a de plus beau, squire, c'est que vous lui devez en ce moment exactement... J'ai aussi écrit cela quelque part, mais je m'y perds avec tous ces papiers. Voyons, squire, quand voulez-vous la payer? Elle est très pressée, comme toutes les jeunes filles qui désirent se marier. » Le docteur essayait de plaisanter, mais M. Gresham n'était nullement en état de comprendre une plaisanterie. « Voulez-vous dire que Mary soit propriétaire de Boxall Hill ? » dit-il. « Oui, répondit le docteur qui allait ajouter, et de Greshamsbury aussi, mais il s'arrêta à temps. Comment, de tout le domaine ? Cela n'est qu'une petite partie de sa fortune, dit le docteur. Voici tous les titres de Boxall Hill, c'est la partie la plus claire de toute l'affaire. Frank peut aller s'y établir demain, si cela lui convient. Un moment, docteur, dit Frank en sortant enfin de la stupeur où cette nouvelle paraissait l'avoir plongé. Et voilà ceux de Greshamsbury, dit le docteur, qui ne voulait pas être interrompu. Examinez-les, les voilà tous intacts. Quand j'ai parlé de les rendre aux archives du manoir, j'ai cru que M. Snellem allait s'évanouir. Comme je ne puis vous les remettre, vous attendrez que Frank vous les rende. Mais, docteur, dit Frank. Eh bien, mon garçon, Mary sait-elle tout cela ? Pas un mot. Je compte que vous vous chargerez de la mettre au courant. Les circonstances étant maintenant toutes différentes, il est possible, hein ? Ce changement est si soudain, si important que Mary pourrait désirer... Désirer quoi ? Qu'on ne le lui dise pas du tout ? Je ne puis maintenant la considérer comme liée par sa promesse, c'est-à-dire si je... J'entends qu'il faudrait au moins lui laisser le temps de réfléchir. Oh, je comprends, dit le docteur. Elle aura le temps de réfléchir. Combien lui donnerons-nous, Squire ? 3 minutes ? Montez vers elle, Frank, elle est au salon. Frank se dirigea vers la porte, puis, hésitant, il revint sur ses pas. Je ne le puis. Je ne crois pas que je vous comprenne très bien. Je suis si bouleversé. Et s'asseyant devant la table, le jeune homme, ému jusqu'aux larmes, cacha son visage dans ses mains. Mary ne sait rien de tout cela, dit le squire. Pas un mot. J'ai voulu laisser à Frank le plaisir de le lui annoncer. Elle ne devrait pas rester plus longtemps dans l'incertitude, répondit le squire. Voyons, Frank, montez vers elle, reprit le docteur. Vous n'avez pas été si timide quand vous saviez que vous auriez mieux fait de ne pas venir ici. Je ne le puis, dit Frank après un moment de silence. Et je ne pense pas non plus que ce soit convenable. Ce serait abuser de sa position. Allez-y vous-même, docteur. C'est vous qui devez vous en charger, dit le squire. Après quelques hésitations, le docteur se décida à monter auprès de Mary. Il reculait lui-même devant cette tâche. Comment le lui annoncer ? Se demandait-il tout en montant l'escalier. Mary était debout au milieu du salon, comme si elle se fût levée pour venir au-devant de son oncle. Le visage de son oncle, bien que serein, était trop sérieux pour confirmer ses espérances dans ce moment de doute. « Qu'y a-t-il, mon oncle ? » lui dit-elle en lui saisissant la main. « Qu'y a-t-il ? Dites-le-moi. » Il le regarda d'un air qui effraya presque le docteur. « Mary, » dit-il gravement. « Vous avez beaucoup entendu parler de la grande fortune de Sir Roger Scatcherd. »« Oui, oui. »« Maintenant que le pauvre Sir Louis est mort, eh bien, mon oncle, eh bien, elle passe à Frank, à M. Gresham, au Squire ?» s'écria Mary, qui, dans ce doute cruel, comprit tout à coup que cet accroissement soudain de richesse pouvait la séparer encore de son fiancé. « Non, Mary, pas au Gresham, mais à vous. »« À moi ?» s'écria-t-elle en portant ses mains à son front brûlant. « À moi ?»« Oui, Mary, cette immense fortune est toute à vous. Vous pouvez en disposer à votre gré. Que Dieu, dans sa miséricorde, vous rende capable de supporter ce fardeau. » Mary s'était assise et continuait à regarder fixement son oncle. « Mon oncle, qu'est-ce que cela veut dire ?» Alors le docteur, s'asseyant auprès d'elle, lui expliqua aussi bien qu'il le put l'histoire de sa naissance et sa parenté avec les Scatcherd. « Et où est Frank, mon oncle ? Pourquoi ne vient-il pas vers moi ?»« Je voulais qu'il vînt, mais il a refusé. Ils sont tous deux en bas. Voulez-vous que j'aille les chercher ?»« Les chercher ? Qui ? Le squire ? Non, mon oncle, ne pouvons-nous pas descendre auprès d'eux ? Certainement. »« Mais, mon oncle ? Eh bien, cher enfant ?» « Est-ce bien vrai ? En êtes-vous sûr ? C'est pour lui, vous savez, ce n'est pas pour moi. »« Le squire ? Ah, mon oncle, je ne puis pas descendre. »« Eh bien, je vais les faire monter. »« Non, non, j'ai été des centaines de fois, lui. Je ne souffrirai pas qu'on me l'envoie. »« Mais, mon oncle, est-ce bien vrai ?» Tout en descendant avec elle, le docteur lui parla de Sir Abraham Haphazard et Sir Rickety Giggs, mais ces grands noms furent perdus pour la pauvre Mary. Le docteur entra le premier dans son cabinet. L'héritière le suivit, le regard baissé et d'un pas timide. Mais quand elle leva les yeux et qu'elle vit Frank seul dans l'embrasure de la fenêtre, la vue de son fiancé lui rendit le courage, et courant à lui, elle se précipita dans ses bras. « Oh, Frank, mon bien-aimé Frank !» Rien désormais ne pourra nous séparer.